Toi, ma fin comme un oiseau, Iseo, Santillano, Dismine, Quatre Saint-Tonneau, je suis fier d'y être le matelot. Tiens bon la main et tiens bon le vent, Iseo, Santillano, Dismine, Quatre Saint-Tonneau. Je suis fier d'y être le matelot.